Elle avait de quoi refaire le monde en un clin d'œil. Avec la grâce d'une vraie blonde et la légèreté d'une feuille. Elle avait une vraie ambition, éclairer l'humanité par son champ de vision. Elle était pleine d'humilité, peut-être un peu trop naïve. Elle parlait d'égalité sans gaspiller de salive. Elle avait de quoi unir les champs, de quoi régner sur terre sans jouer un rôle de sergent. Sa destinée s'égare à peine à 6 ans quand elle apprend la mort de ses parents. Accueillie dans un orphelinat trop exigeant, lui tape sur les doigts à chaque idée émergente. 8 ans, son premier désaccord avec l'argent. Elle a écopé d'un bleu à la jambe car elle partageait son dû avec un compagnon de chambre. La fugue est planifiée à présent, les gens qu'elle croise, elle le doit crucifier. Et pourtant, éprise d'amour pour un ancien officier sur qui elle mise tout son espoir. La vérité, c'est que ce gosse des comptoirs l'a fait siffler sur le trottoir. Empoche les billets du matin au soir. Passe une minute pour souffler, tout le monde l'a soulevé. Personne n'a su voir qui elle était, que ce soit le maire, le procureur ou le curé. Elle s'est dit qu'un jour elle les tuerait, puis bref. A préféré franchir le muret qui la séparait de la vie de rêve. Une nouvelle ère commence, elle met les pieds dans le pays de la mode et de la romance. Pensant y trouver une belle amorce, et donc commence une carrière de pigiste avec aisance. Sa mission, jamais elle n'y renonce, témoigner de son vécu pour que l'homme fasse preuve d'intelligence. Séduire ses atouts pour faire la différence. Le problème c'est que très peu ont le temps de lui accorder une danse. Elles sont dans l'anonymat, devient la légende qui s'inanima. La déesse face à l'animal, haït à présent les gens qui l'ont mise à mal. Elle perd confiance en la justice quand ses flics rasés lui ont confisqué son visa. Lui ont écarté les cuisses et ont expédié sa visa. Elle s'est dit qu'elle ne mettrait plus jamais les pieds ici bas. Et ainsi va la vie faite de haut et de bas. Elle reprend espoir quand ses soucis de santé se rétablissent. Mais quand ses pensées s'égarent, elle n'a plus la force d'enfiler ses pas. Pourtant un faux c'est là, c'est pas celui qui l'a soi-disant mise là. Elle a cherché sa destinée dans tous les recoins de Paname. La France d'en haut, la France d'en bas. A même fait un tour près des toxicomanes pour voir si elle n'y était pas. Elle est devenue pote avec la cave, à qui la faute? Ses cheveux blonds se sont détachés de son crâne. Cette histoire on s'en doute tourne au drame. Elle crève en toute ignorance après avoir trop lutté. Pourtant cette jeune fille tout le monde la connaissait. Elle s'appelait Tolérance. Tu peux maintenant lui offrir toutes tes condoléances. Tolérance, Tolérance, Tolérance, Tolérance. Elle avait quoi faire le monde en un clin d'œil. Avec la grâce d'une vraie blonde et la légèreté d'une feuille. Elle avait une vraie ambition, éclairer l'humanité par son champ de vision. Elle était pleine d'humilité, peut-être un peu trop naïve. Elle parlait d'égalité sans gaspiller de salive. Elle avait quoi unir les champs, de quoi régner sur terre sans jouer un rôle de sergent. Elle avait quoi faire le monde en un clin d'œil. Elle parlait d'égalité sans gaspiller de salive. Elle avait de quoi unir les gens, de quoi régner sur terre sans jouer un rôle de dirigeant.